bébé. Bonsoir Josette, sentez pas les pieds, la vache elle rit. Quel mais oui pourquoi? Papa, Pampa, Donna, le chat, la basse, Sri Lanka, viva! Viva!